interprétés successivement par Louis Corcia et son orchestre, Méditerranée et Ajaccio, comme on peut. Et maintenant c'est Enrico Macias avec son accent, l'enfant de l'amour. Faire une promenade en se tenant la main comme des amoureux. Quand il prend son violon pour lui faire une aubade et qu'elle l'écoute encore avec des larmes aux yeux, simplement, je me dirai toujours que je suis un enfant de l'amour. Oh. Quand j'ai une heure ou deux, je m'en vais les surprendre. Chaque fois, quand je dois les quitter avec des gestes tendres, il m'embrasse en disant, petit, prends soin de toi. Je me dis simplement, je me dirai toujours, un enfant de l'amour. Quand je rentre chez moi et qu'avec un sourire il se jette à mon cou en m'appelant papa. Écoute maintenant le Mandoline Club de Paris, direction Jeanne Ricarda Matorez, qui nous interprète Carousel Waltz. C'est quelque chose pour que ce soit autre chose qui passe. Eh oui, c'est arrivé derrière Shirama, vous l'avez reconnu certainement. Eh bien, on écoutera Carousel Vals tout à l'heure. Et on va continuer avec Monsieur Tino Rossi. Il pleut sur la route. Voici ce qui était promis tout à l'heure, Carousel Vals, Jeanne-Marie Cardamo Torres, qui dirige le Mandolin Club de Paris. Et c'est parti. Où ça va partir? Non, ça ne veut pas partir. Bon, bah, si ça ne veut pas partir, ça reste. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas se fâcher. Alors, pourquoi ça ne veut pas partir? Eh ben non, ça veut pas. Bon, alors si ça veut pas, on va aller voir le Enrico Macias. Enrico dit, tu nous joues deux ailes et trois plumes. Et trois plumes, bon. Deux ailes et trois plumes dans son blanc costume, on dirait une mariée. Voici la colombe, la jolie colombe, avec son brin d'olivier. Enfant de ce monde, oubliez vos fondes, vous risquez de me blesser. Je suis la colombe, la jolie colombe, je voudrais bien me poser. On apprend bien trop tôt à faire la guerre à tous les oiseaux, à salir la terre, le ciel, à détruire ce qui est beau. On s'habitue ainsi à penser que tout nous est permis et à ne plus respecter la vie, pourtant qu'elle est colombe, la jolie colombe, avec son brin d'olivier. Enfant de ce monde, oui, il est profond, vous risquez de la blesser. Voici la colombe, la jolie colombe, qui voudrait bien se poser. Faisait les trois plumes dans son blanc costume, on dirait une mariée. Voici la colombe, la jolie colombe, avec son brin d'olive. Et on continue avec Louis Corchia qui rend hommage à notre ami Tino Rossi, qui malheureusement nous a quittés. Parce qu'à cette époque-là, les chanteurs chantaient, n'est-ce pas? Ne sautaient pas. Surtout Tino, il ne bougeait pas. Tant qu'il y aura des étoiles. Monsieur, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, comme dirait. Je vous dis pas la suite. Douce France, un autre chanteur bien dans les de style Tino Rossi, parolier, chanteur, interprète, compositeur. Douce France, Monsieur Charles Trenet. Revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village au clos.

ci, une composition de Louis Amade et Gilbert Bécaud, Les Marchés de Provence. Qui sentent le matin, la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle et franchis des pays que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas. L'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai un bouquet de lavande ou bien quelques œillets? Et par-dessus tout ça, on vous donne en étreinte l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Il y a tant de filles jolies, comme il y a du fenouil, melons et céleri. J'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle et croisé des regards que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas. Voici pour 100 francs du thym de la garrigue et un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai un bon plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai un bouquet de lavande ou bien quelques œillets? Et par-dessus tout ça, on vous donne en étreinte l'accent. Rappelez-vous, amis auditeurs et auditrices, si vous étiez là, je crois que vous étiez là, tout au moins beaucoup, nous avions fait avec Sébastien un spectacle en bas, dans la grande salle des spectacles de Radio Arc-en-Ciel, la Saint-Valentin, c'était voilà quelques années. Et j'avais invité Joël Jublot et son épouse Jackie. J'avais invité Olivier Sélac et son orchestre. Malheureusement, Olivier Sélac accompagnait justement Maria De Rossi en Italie et était bloqué au mois de février. C'est vrai que Saint-Valentin, c'est au mois de février. Était bloqué par la neige. J'étais obligé de le remplacer vite fait, heureusement, par mes amis Jacques Thauvin et Charles Cassonnet, rappelez-vous. Et on continue avec un grand, grand succès. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a chanté, tout le monde, et beaucoup de chanteurs et chanteuses l'ont chanté, et des orchestres l'ont joué. C'est La Mer, monsieur Charles Trenet. La Mer, on voit danser le long du golfe clair, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond

courent encore dans les rues. Fils et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Si elle vous aime, la radio, tant mieux pour vous. Eh bien, il faut bien aimer quelqu'un dans la vie. Hein. Voilà, ben moi, j'aime les auditeurs et auditrices, voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Et c'est déjà pas mal, hein. Jean-Désiré Bailly et Angelina Irène, les orphelins. Les orphelins. Je n'avais que 5 ans, déjà pris de parents, comme simple identité, un tout petit collier, un petit collier gris, comme les jours de pluie, autour de mon petit cou, Les Orphelins par Angelina Irène, composition de Jean-Désiré Bailly. Et on continue avec Un mauvais garçon à l'accordéon. Un mauvais garçon, c'est pas l'accordéoniste, hein, c'est le nom de la chanson, avec le duo Guinguette. Nous les paumés, nous ne sommes pas aimés. Des grands bourgeois qui nagent dans la joie. Il faut avoir, pour être à leur goût, un grand faux col et un chapeau mou. Ça fait pas chic une casquette, ça donne un air malhonnête. Et c'est pourquoi quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt: c'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il s'explique. Ça joue du poing, de la tête et du chausson, un mauvais garçon. Toutes les belles dames pleines de perles et de diams, en nous voyant, ont des yeux méprisants. Oui, mais demain, peut-être ce soir, dans nos musettes, elles viendront nous voir. Elles gâcheront comme des filles, en s'enroulant dans nos quilles. Et nous lirons dans leurs yeux chavirés l'aveu qu'elles n'osent murmurer. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il s'explique. Mais y a pas mieux pour te coller le grand frisson qu'un mauvais garçon. Il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il s'explique. Mais y a pas mieux pour coller le grand frisson qu'un mauvais garçon. Mais y a pas mieux pour coller le grand frisson qu'un mauvais garçon. Maria de Rossi à nouveau nous chante « Il est Marseillais ». Pardon, petite erreur de ma part. Il n'y a que celui... J'ai vu les Italiens joueurs de mandoline, les danseurs de Jaffa, tous les Ivans, les terribles, les Rasputines, les beaux brins de la mafia, les mercenaires et les révolutionnaires qui ont le feu dans les yeux et des balles dans le fusil. Même aucun homme soit un homme vraiment, il faut qu'il soit du midi. On L'année prochaine, on pourra difficilement faire pire. En tout cas, j'espère que vous avez passé, que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec les moyens du bord. On essaye de voir quand même les amis, la famille, de prendre un bon repas et de boire un bon coup autour d'une table. Et puis, les accordéonistes, ne vous oublient pas, on est tous là pour vous faire passer de bonnes fêtes en vous jouant un petit peu de musique. Eh bien, aujourd'hui, c'est avec moi. Bonne année, d'ailleurs, si vous me regardez le lendemain. En tout cas, on commence par un morceau de circonstance, ça s'appelle la marche des guincheurs. C'est parti. Et puis, juste après, il y aura la marche portugaise. Alors, on pousse les tables, on pousse les chaises, on fait la fête en avant. 1, 2, 3, 4... We'll be right back. ça c'est la fête au Portugal, la marche portugaise. Qu'est-ce qu'on était bien, eh bien ça commence bien, le tonus messieurs dames. Tiens après ça on va danser la valse, on va danser la valse avec une valse bavaroise que j'ai écrite avec Damien Poyard et Nathalie Bernat, ça s'appelle Sur la route de Bavière. On y va pour tourner. Allez! La valse bavaroise, ça c'était chouette. Alors pour continuer, si on allait danser le foxtrot direction le Mexique, ça s'appelle Adios Dolores, c'est l'ami Jérôme Robert qui l'a écrit celui-là. Allez on y va, c'est parti. Au téléphone, donc je ne nous ai pas délaissé. Chantant sur la musique, la jolie voix de la fille du Mexique, tous ses amis et mariachi lui disent adieu avant qu'il ne quitte le pays. C'est au Texas, à la frontière juste en face, que Dolores va perdre sa jeunesse. Elle va chanter dans les bars, car l'Amérique aime les filles du Mexique. Adios Dolores, jolie princesse, on croise les doigts dans l'hacienda. Adios Dolores, jeune princesse, quelle tristesse. Adios Dolores. arrêter le thé dansant là. C'est pas un thé dansant, c'est un rayon de Noël. On va arrêter parce qu'on va pas faire que ça tout l'après-midi. 15h26 à la pendule de Radio Arc-en-Ciel, 27 même. Et on va écouter Nana Mouskouri, Plaisir d'amour. Chaque jour, du soleil aux amoureux.

ferai da pour tes yeux de velours, je ferai un faux pas. Loin d'ici les señoritas, les bandas et les corridas, comme les italiens, Miguelina chante la fiesta. Corecita pour tes yeux de bleu, je ferai un faux pas. Loin d'ici les señoritas, les bandas et les corridas. Corecita mia, mi querida, chante la fiesta. Qui prend le relais, va mon ami, va. ...15h40 à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. À 16h, je céderai la place... 16h30, pardon, je céderai ma place à Francky pour son émission After Work. Et on se retrouve bien sûr dimanche, 13h, 15h30, pour l'accordéon de nos régions et la musette. Il est parti sur la route, aïe là là, comme elle était fraîche. Avec son fusil chassé, aïe là là, qu'il faisait frisquer. Il ne vit perdre ni grive, aïe là là, comme elle était fraîche. Ni faisant faisait frisquer, mais il vit Les Roses de Picardie, Jean-Luc Évêque. De ses grands yeux de saphir clair, aux reflets changeants de la mer, la fillette regarde la route, va rêvant, tressaille et écoute, car au loin dans le silence monte un chant. Cette terre nous semblait vieillot, aujourd'hui il me semble nouveau. Et puis surtout, c'était toi et moi, c'est du monde vieillisse pas. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie. Et des roses qu'on trouve là-bas, tous les deux amoureux, nous avons dansé sur les roses de ce temps-là. De la Picardie et des roses qu'on trouve là-bas, tous les deux amoureux, nous avons dansé sur les roses de ce temps-là. Et retour à l'accordéon avec Bruno Lorenzoni. Bruno Lorenzoni qui nous interprète, j'ai perdu le titre, c'est pas le titre du titre, hein. Lolita Gitana. voici la Saint-Jean, fête la veillée. Voici la Saint-Jean, fête la veillée. Vos promis seront tous à l'assemblée. Va, mon ami, va, la lune se lève. Va, mon ami, va, la lune s'en va. Le tien n'y est pas, j'en suis désolée. Il est à Paris ou dans la Vendée. Va, mon ami, va, la lune se lève. Va, mon ami, va, la lune s'en va. Va, mon ami, va, la lune se lève. Va, mon ami, va, la lune s'en va. Qu'apportera-t-il à sa bien-aimée avec tous ses gains, des choses utiles et la bague d'or et la robe blanche. Va, mon ami, va, la lune se lève. Va, mon ami, va, la lune s'en va. Et la robe blanche, s'il y pense encore dans sa longue absence, il n'offre son cœur à quelque autre fille. Va, mon ami, va, la lune se lève. Va, mon ami, va, la lune s'en va. Retour avec Bruno Lorenzoni qui va terminer l'émission. Lumière d'Andalousie.